Exercice 2. Chères auditrices, chers auditeurs, aujourd'hui nous allons parler d'un thème important pour les parents, les jeux vidéo. En effet, de nombreux parents se posent cette question fondamentale. Est-ce que je dois contrôler mes enfants et leurs jeux? Il n'est pas facile de répondre à cette question. Une majorité de parents sont en faveur d'un contrôle accru. Mais une enquête du mois dernier réalisée par Ipsos a montré que ce contrôle n'existe pas vraiment. Trop occupés, les parents?